c'est une version Trust. C'est Trust en version campagne. We'll be right back. Thank you. Là, c'était difficile, hein. J'ai l'habitude de rien foutre à la guitare, une fois j'en fais un. Bon, merci en tout cas. Allons manger maintenant, allons boire une. On l'a bien mérité, car on est fatigué. On a trop travaillé, et on s'est bien saigné pour avoir quelques billets.